vem är som ringer, det är anybody. J'arrive toujours incognito. Ils se demandent pourquoi je suis masqué comme Obito. Le frozen est jaune comme les coquelicots. Il va envoyer tes clients dans les hôpitaux. Bien sûr c'est la frappe, le prix du Loki Shop. Dans ma sacoche y'a un coffee shop. Dès que j'ai compris j'ai voulu le cash aussitôt. Ma quiche t'a fait la taille d'une bouteille de Tropico. J'connais pas la paix, ici c'est la guerre froide. J'connais pas le frein quand j'suis dans le S3. J'connais pas ta daronne, m'appelle pas la famille. Faut la villa à Bali et patrimoine d'Akatari. On veut faire du chiffre, on veut faire du business. Bitch, ma catose et ici pas de triple M. J'suis là pour les euros, j'ai compris le système. Et j'suis exactement ce que les bitches aiment. Pineapple, j'remue. Viens sur Telegram si tu veux voir le menu. T'es pas le bienvenu. Quand t'es en face, nous t'es un peu tenu. Tiens, c'est l'intro, pas de refrain. J'tapais tout le trajet, j'touche pas au frein. Il a pris 10 JOD, j'en offre un. Trop de trip water, j'me sens dauphin. Ça revient tellement derrière, tu peux pas capter. J'ai fait avec, me suis adapté. Deux ans plus tard, t'as pas capté. Si t'entends ma voix dans le fond, c'est pour palper. J'vais faire sauter des têtes, j'arrive mafia comme Zaza. Toutes sortes d'exotiques, j'fais calmer des Zaza. Et si ça dérape, t'inquiète. J'coule deux, trois zinzins.